Qu'est-ce qu'il a écrit ? Ah oui, il a dit que t'étais un russe, je crois. Moscou. Camarade Bull. Et c'est toi qui... Quand on va sur une botte en fait, ben c'est marqué que tu viens de Russie. Ou... C'est un italien, non, je peux... perdu la langue. Moi, c'est pas mal ce qu'il a fait. Sur internet.